pété par la main, je lui ai dit c'est entre toi et moi. Tu pleures pour de vrai ou c'est des larmes de caïman? Elle m'a pété par la main, je m'attendais à rater un mot. Elle me dit tu tiens à moi, donne-moi un plus gros diamant. J'entends ton cœur qui bat, donc je suis en bas de chez toi. Sûr de moi comme au Mato guitar. Encore des histoires à dormir tard le soir. Je suis en bas comme au Mato guitar. J'ai des responsabilités qui nécessitent un pouvoir. Pépé rouge sans crêpe, Nutella, grand boulevard. On s'est vérifié, bébé, les yeux ne mentent pas. 40 minutes de retard, je suis mon propre trompeur. J'entends ton cœur qui bat, donc je suis en bas de chez toi. Sûr de moi comme au Mato guitar. Encore des histoires à dormir tard le soir. Je suis en bas comme au Mato guitar. Autoportrait, lunettes noires sur Paname. Je sais qui t'es, on me l'a fait pas moi. Si tu veux bien, on en parle Obama. Si tu es dans la Vinca, t'es bouté Vion Balma. J'entends ton cœur qui bat, donc je suis en bas de chez toi. Sûr de moi comme